Nous avons toujours compté sur l'aide de votre pays qui nous fournit les cadres dont nous manquons et qui forment nos jeunes. Les cadres progressivement mis en place, il nous faudrait surtout un apport de capitaux de plus en plus accru pour asseoir notre économie sur des bases solides. Dans un style très différent et toujours à Paris, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1976.